À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le colloque et la séance de film ont eu lieu le 5 courant en Inde et la conférence le 7 courant en Angola. Y ont pris part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Les orateurs y ont exalté les exploits mortels du général Kim Jong-il qui a édifié le Parti du Travail de Corée comme parti mère, uni avec les masses populaires dans une seule pensée et chargé entièrement de leur destinée. À la séance de film, on a projeté le documentaire coréen « L'avenue des scientifiques Millet ».